du succès dans tes études. Rude et tante et Gertrude, réussis tes examens, rate de l'oncle Firmin. Bonne année de la santé, crache l'épouse à gronder, le paradis à la fin de vos jours postillonnait. À peine sorti de ma maman, qu'on me faisait subir le jour de l'an. C'était au temps d'avant les virus, je me cachais derrière ma suce. On me gavait de bec mouillé d'aplomb. Était-ce à cause de l'âge ou de la boisson? Toute la journée, sans aucune raison, j'entendais du succès dans tes études, ruminait tant de Gertrude. Tes examens, radote l'oncle Firmin. Bonne année de la santé, crache le cousin à cranter. Le paradis à la belle bonjour, bossillonnet, Madame Dubourg. Je n'ai jamais aimé l'école, j'étais bien loin d'être une grosse bolle. Je me suis pas rendu à la sixième année, j'ai tout lâché ça pour aller travailler. Mais pendant des années, les jours de l'an se sont succédés. Chaque 1er janvier, la parenté a répliqué. Toujours elle me disait, et toujours elle me disait, du succès dans tes études, ruminait tante Gertrude. Réussis tes examens, radote l'oncle Firmin. Bonne année de la santé, crache le cousin crampé. Le paradis à la fin de vos jours. Madame Dubourg. Ok, là c'est une danse carrée. Arrêtez de tourner en rond. Toujours passionné.